Ne sous-estimez pas ce que Dieu pourrait accomplir dans votre vie si vous décidez de vous soumettre à lui et de le laisser vous diriger dans ses voies. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Au 19e siècle, Hudson Taylor a laissé derrière lui sa maison et sa famille pour devenir missionnaire en Chine. Il a travaillé courageusement et efficacement dans ce pays pendant 15 ans. Mais malgré cela, il ressentait toujours un manque dans sa vie qui l'empêchait d'accomplir pleinement ses objectifs. Un jour, Hudson Taylor a trouvé la réponse à son dilemme dans une lettre envoyée par un collègue missionnaire, John McCarthy. Ce dernier y expliquait qu'une vie de plénitude spirituelle est possible si Jésus-Christ demeure en nous et si nous demeurons en lui en nous appuyant sur la puissance du Saint-Esprit. Cette révélation a transformé la vie de Taylor et de Charles Stanley. Qu'elle devienne maintenant votre révélation. Il est très frustrant de faire confiance personnellement au Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur, de fonder de grands espoirs sur ce salut et d'avoir de grandes attentes concernant la vie chrétienne pour se retrouver après plusieurs mois ou même plusieurs années à peu près au même point où l'on était avant sa conversion. Les mêmes péchés ont conservé leur emprise sur vous, en partie du moins. Vous pensez encore de la même façon, bien sûr, certaines différences apparaissent, mais vous vous sentez quand même insatisfait, découragé et un peu déçu par la vie chrétienne. Vous devez reconnaître que les choses ne se sont pas déroulées comme vous l'espériez. En dépit de vos efforts, vous n'êtes pas satisfait. Vous ne pouvez vous empêcher de penser que la réalité ne correspond pas à ce que l'on vous a dit. Si vous vous êtes déjà trouvé dans une situation semblable, vous comprendrez ce que je vais vous dire. Ces situations n'étaient pas l'intention de Dieu pour notre vie. Dieu n'a jamais fait de fausses promesses. Il a toujours désiré que la vie chrétienne soit une vie de joie, de paix et de victoire, même pendant les tempêtes et malgré le péché. Je n'ai pas dit que nous n'aurions jamais à supporter l'adversité, la peine, l'épreuve, la persécution ou la difficulté. Car la Bible enseigne dans Jean chapitre 15, verset 20, cette parole de Jésus-Christ. « Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » On ne trouve nulle part dans les Écritures l'idée qu'une fois que nous serons devenus chrétiens, tout ira pour le mieux et que le reste de notre vie s'écoulera sans vagues dans la paix et le confort. Non, au contraire, il arrive même qu'à ce moment, les difficultés commencent ou s'intensifient. Certaines personnes m'ont même déjà fait ce genre de reproche. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit, avant ma conversion, que tout allait s'écrouler? Je ne l'ai pas fait pour deux raisons. Premièrement, je ne le savais pas, et deuxièmement, cela vous aurait fait peur, car il est important de réaliser que Dieu n'a jamais voulu que la vie chrétienne soit une vie de défaite. Selon lui, la vie chrétienne doit être une vie de victoire, mais peut-on vaincre sans combattre et sans faire face à l'adversité? Certains se demandent comment on peut vivre dans la joie et la paix malgré l'adversité qui nous accable. C'est exactement le sujet abordé dans l'émission d'aujourd'hui. L'intention de Dieu pour votre vie chrétienne est qu'elle se déroule exactement comme il l'a décrite dans sa parole. Cependant, plusieurs chrétiens se découragent en chemin. Ils se demandent ce qui ne fonctionne pas ou s'ils ont mal compris quelque chose. Je vous demanderai maintenant d'ouvrir votre Bible dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15. Nous entendons souvent dire qu'un chrétien doit vivre une vie remplie de l'Esprit, une vie plus profonde ou une vie transformée. Quelle que soit l'appellation choisie, ce sont tous là des aspects de la vie chrétienne dont Dieu désire nous vêtir. J'aimerais être clair sur une chose. Il n'existe aucun aspect de la vie chrétienne que Dieu offrirait à une personne ou à un groupe de personnes et qui ne serait disponible à tous ses enfants. Il n'existe pas d'élite aux yeux de Dieu. Le salut est pour tout le monde et la victoire, malgré l'adversité, fait partie de l'offre de Dieu à ses enfants. Il nous donne tous les moyens de la gagner et permet toutes les dispositions pour l'obtenir. Dieu offre cette victoire à tous ceux qui la réclament. Le problème réside dans le fait que peu de gens réalisent que cette victoire est à leur portée, depuis qu'ils sont devenus des enfants de Dieu. Lisons maintenant le passage d'aujourd'hui. L'Évangile selon Jean chapitre 15, versets 1 à 8. « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Car le Père surveille sa vigne. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée, cette parole qui nous a sauvés. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous parler de mon témoignage personnel. Lorsque ce passage est devenu une réalité pour moi, il m'a ouvert les yeux sur la signification véritable de la vie chrétienne, comme probablement aucun autre passage n'avait pu le faire jusqu'à présent. J'étais pasteur depuis un certain temps déjà. Je savais ce que voulait dire être rempli de l'Esprit, vivre en étant soumis à Dieu et sous le contrôle et la domination du Saint-Esprit. Quand j'ai découvert cela, j'ai pensé que la vie chrétienne n'avait plus aucun secret pour moi, et pendant que je servais le Seigneur, je me rendais compte de la puissance supérieure de l'onction du Saint-Esprit. Et aussi longtemps que je l'ai servi, j'ai bénéficié d'une paix, d'une assurance et d'une confiance parfaites. Je voyais le ministère porter du fruit et le Seigneur à l'œuvre comme je ne l'avais jamais vu auparavant. Selon toute apparence, tout allait très bien. Cependant, profondément à l'intérieur de moi, je ressentais une absence, un vide, mais je ne comprenais pas de quoi il s'agissait. Je servais ma troisième église à cette époque, et je demandais continuellement au Seigneur ce qu'il me manquait. Les activités du dimanche fonctionnaient à merveille. Toutes les églises où j'avais servi étaient en pleine croissance. Dieu me bénissait. Je ne trouvais rien à redire. Pourtant, quand je m'analysais, je savais qu'il manquait quelque chose à l'intérieur de moi. Le Seigneur a utilisé différentes manières pour attirer mon attention sur le problème. Dans cette église où je servais, j'avais l'habitude de proposer aux gens qui voulaient reconsacrer leur vie à Dieu de s'avancer dans l'allée jusque devant l'estrade. En leur lançant cette invitation, je ne réalisais pas vraiment ce que j'étais en train de faire, mais au bout d'un certain temps, je me suis aperçu que les mêmes personnes faisaient souvent le trajet jusqu'en avant. À la longue, j'ai commencé à réfléchir. « Seigneur, que se passe-t-il avec ces gens? Ne savent-ils pas que je leur dis la vérité? » Et soudainement, je me suis posé la question. « Et si j'avais tort, se pourrait-il que je ne leur dise pas toute la vérité? » J'étais vraiment surpris et j'ai dû demander à Dieu « Est-ce que je connais toute la vérité? » Ces questions troublantes m'obsédaient, jusqu'à me faire douter. En conséquence, j'éprouvais des insatisfactions reliées à ma propre marche spirituelle, à mes propres échecs et à mes propres défaites. J'avais commencé à demander à Dieu ce qui n'allait pas, et j'en étais finalement arrivé à cette conclusion au sujet de Dieu, où la Bible était surfaite et la vie chrétienne n'était pas à la hauteur de ses promesses, ou bien, quelque part, j'avais raté quelque chose de très important, mais je ne comprenais pas quoi. Je me suis alors mis à penser que je ne pouvais pas dire la même chose semaine après semaine à ces personnes si cela ne fonctionnait pas. Et si je ne savais pas de quoi je parlais, comment pouvais-je dire à tous ces gens que, s'ils faisaient confiance à Jésus, il les sauverait, et ils auraient alors la paix et le bonheur dans leur cœur, quand je ne l'avais pas moi-même. Dieu commençait à attirer mon attention sur ces choses, mais rien ne fonctionnait. Rien de ce que je faisais pour remédier à ce problème ne fonctionnait. Un jour, j'ai prêché l'Épître aux Galates. Plus je m'approchais du fameux 5e chapitre et du verset 22, celui qui parle du fruit de l'esprit, plus une question me torturait l'esprit, et je ne pouvais m'empêcher de réprimer ce malaise. Seigneur, que vais-je bien pouvoir dire quand j'en serai au chapitre 5? Oh, j'ai beau essayer, Seigneur, mais tu sais que je ne suis pas toujours très gentil, et je ne suis pas trop doux, et je ne me maîtrise pas toujours très bien. Je méditais les fruits de l'esprit sans m'arrêter de penser que je ne les cultivais pas beaucoup dans ma propre vie. J'expliquais au Seigneur que je ne décelais pas ces fruits dans ma vie. Je pouvais les observer de temps en temps, mais pas tout le temps. Ils apparaissaient et disparaissaient alternativement. En d'autres mots, ils jouaient au yo-yo. Pourquoi étais-je aussi instable? Que se passait-il donc? Ce supplice a duré pendant de nombreux mois, et puis j'ai dû me résigner à supplier le Seigneur d'agir. Je lui ai dit, « Seigneur, fais quelque chose. Je ne vois pas comment je pourrais continuer à prêcher. Comment puis-je enseigner aux gens quelque chose en quoi je ne crois pas vraiment, quelque chose que je ne fais pas moi-même? » Cela est resté ainsi. Or, quelque temps auparavant, on m'avait suggéré de lire un livre, mais je l'avais mis de côté sans m'en préoccuper davantage. J'avais dans cette église un petit bureau détaché du bâtiment principal que l'Assemblée avait construit pour moi dans la cour arrière. Un dimanche après-midi, où je me sentais particulièrement désespéré, j'avais décidé d'y aller pour étudier le reste de la soirée. Or, avant de sortir par la porte arrière du bâtiment principal, j'ai aperçu sur une petite table ce livre négligé. Sans trop y penser, je l'ai ramassé en passant. Puis, je me suis assis dans mon petit bureau, totalement découragé et déprimé. J'ai alors pris le livre. Je l'ai feuilleté ici et là. Je l'ai trouvé intéressant. Puis, je suis tombé sur une section dans laquelle on énumérait une liste de noms. À côté de chacun d'eux, on avait écrit un bref résumé biographique d'une vingtaine d'hommes. J'ai décidé de jeter un coup d'œil sur l'un d'eux. Hudson Taylor, je savais qui il était, le fondateur de China Inland Mission, un organisme voué à l'évangélisation de la Chine intérieure. La première ligne se lisait ainsi. C'était un homme jovial, un chrétien heureux et animé. Pendant longtemps, il avait œuvré sans vraiment trouver la paix de l'âme. J'ai continué à lire jusqu'à ce que j'arrive sur ce passage. Les responsabilités rattachées à ma position rendent mon besoin de grâce spéciale plus criant que jamais. Et pourtant, je suis continuellement dans le chagrin parce que j'ai suivi mon précieux Sauveur de très loin et je n'ai pas appris assez rapidement l'imiter. En lisant les paroles de ce grand homme, j'ai été saisi. Hudson Taylor pensait comme moi. J'ai continué à lire le texte. Je ne pouvais plus m'arrêter. Je ne pourrais vous dire à quel point je me sens parfois pris d'assaut par la tentation. Je n'avais aucune idée du mauvais cœur qui est le mien. Pourtant, je sais que j'aime Dieu et j'aime son œuvre. Je désire le servir, lui et lui seul, en toutes choses. Et j'estime incomparable le précieux Sauveur en qui seul je puis être un véritable enfant de Dieu. Cependant, J'essaie de rejeter ces pensées noires et de me réjouir d'autant plus de la puissance de mon Sauveur Jésus et des richesses de sa grâce qui m'ont rendu acceptable aux yeux du bien-aimé. Jésus-Christ est le bien-aimé de Dieu et il devrait être aussi le nôtre. Mais oh, comme mon amour est pitoyable! Puisse Dieu m'aider à l'aimer plus et à le servir mieux. Priez pour moi, je vous en supplie. Priez que le Seigneur me préserve du péché, qu'il me sanctifie complètement et qu'il m'utilise encore plus à son service. À ce point de ma lecture, j'étais devenu dépendant. Je ne pouvais plus m'arrêter. Or, la phrase suivante m'a fait écarquiller les yeux. Le cœur humain ne peut rien désirer que Dieu ne peut satisfaire, mais le chrétien éprouve de la difficulté à prendre au pied de la lettre les promesses du Sauveur. Il ne m'en fallait pas plus. J'ai pensé, « Seigneur, mon problème est-il celui qui vient d'être décrit ?» Hudson Taylor a compris comment vivre une vie remplie de l'esprit grâce à la lettre d'un de ses amis qui lui racontait les dernières péripéties de sa vie. Son nom, John McCarthy. En voici un extrait. « Comme je veux laisser mon Sauveur aimant accomplir en moi sa volonté et vivre dans la sainteté par sa grâce, je tiens à demeurer en lui sans fournir d'efforts ni me battre. Je m'en remets entièrement à lui. Il est ma force. Il m'aide à réprimer toute corruption intérieure. Je me repose dans l'amour du Sauveur Tout-Puissant. Je me repose parce que je suis conscient de cette joie qu'apporte le salut complet, la libération de tout péché. Je lisais en pensant, « Seigneur, si ces deux personnes connaissent cette réalité, je veux la connaître aussi. » Je savais que j'avais fait toute une découverte. Plus loin, l'auteur ajoute, « Quant au travail, il n'a jamais été plus intense, plus crucial ou plus difficile, mais le fardeau et la tension ont disparu. Je me vois encore dans mon bureau, cette pièce étroite au plancher de béton et dont une porte me tenait lieu de table. Et je me souviens de mes réflexions. « Seigneur, veux-tu vraiment me dire qu'il est possible d'être pasteur sans se sentir tendu ou accablé par les fardeaux? Allons donc! » Et, poursuivant ma lecture, je suis arrivé à un passage qui m'a captivé. J'ai su alors que j'étais sur la bonne piste. Voici ce qu'avançait l'auteur au sujet de Jésus. Est-il inquiet? Est-il soucieux? Est-il affligé? Il n'a aucune ride sur son front, ni aucune trace d'anxiété, et pourtant, les responsabilités sont autant les siennes que les miennes. Quand j'ai lu le paragraphe suivant pour la première fois, j'ai compris le sens de l'intention de Jésus pour les chrétiens. J'étais pasteur, prédicateur et enseignant depuis un certain temps, mais je n'avais jamais compris cela. Car là où j'ai grandi, dans l'église, où j'allais quand j'étais jeune, une fois que vous aviez fait confiance à Jésus-Christ comme votre Sauveur, on vous mettait au travail pour Dieu. Et vous faisiez de votre mieux. Vous deviez mettre le plus d'efforts possible. Vous vous en remettiez à Dieu quand il le fallait, et il fallait travailler dur et se surpasser. Et si ce n'était pas suffisant, il fallait faire encore mieux. Mon seul problème, c'est qu'à ce rythme, j'allais m'épuiser en peu de temps. Je ne pensais pas pouvoir survivre longtemps dans le ministère, au train où allaient les choses. C'est à ce moment que j'ai lu ceci. Comment un sarment porte-t-il du fruit? Le sarment est la partie de la branche de vigne qui porte le raisin. Comment un sarment porte-t-il du fruit? Il ne fournit pas des efforts incessants pour obtenir du soleil et de l'air, pas plus qu'il ne lutte pour obtenir de l'engrais pour produire de belles fleurs et des feuilles en santé. Le sarment ne fait que demeurer paisiblement et silencieusement attaché à la vigne. Puis le fruit pousse naturellement. Écoutez bien la suite. Comment un chrétien porte-t-il du fruit? En faisant des efforts et en luttant pour obtenir ce qui est gratuitement accordé? En méditant sur la nécessité de veiller, de prier, d'agir, de fuir la tentation et les occasions de chute? Non! simplement en demeurant attaché à la vigne. Après avoir fini de lire ces derniers mots, je me rappelle avoir posé le livre sur ma table improvisée. Je me suis étendu sur le plancher de béton et je me suis dit, « Seigneur, comment ai-je pu être aussi longtemps aveugle? Je n'avais jamais compris cette vérité. Tu n'as jamais voulu que je vive une vie chrétienne en luttant constamment et en faisant tous ces efforts. Je nourris cette culpabilité pendant toutes ces années, car je ne me sentais pas à la hauteur de ta parole. Je ne me pensais pas à la hauteur de tes attentes. J'ai beaucoup échoué et j'ai succombé à la tentation. Je croyais ne pas avoir fait de mon mieux. Seigneur, je comprends enfin que tu n'as même jamais voulu me voir essayer. Je suis resté étendu pendant 3 heures sur ce vieux sol bétonné. Je n'ai pas parlé en langue. Je n'ai rien dit. J'étais subjugué par la simplicité de cette vérité. Depuis ce temps, ma vie, ma compréhension, mes attentes et ma marche chrétienne ne sont plus les mêmes. Cela ne veut pas dire que je ne pêche plus. Je succombe encore parfois au péché et je dois me confesser et me repentir. Cela ne signifie pas non plus que je marche en tout temps dans l'esprit, ni que je n'ai pas échoué dans mon service envers Dieu en plusieurs occasions depuis ce temps-là. Cependant, je sais maintenant ce que je dois faire. Avant, je confessais toujours les mêmes vieux péchés, encore et toujours, et tout cela ne m'était d'aucun profit. Jeûner, prier, lire la Bible, travailler dur, évangéliser, frapper aux portes ou organiser des réveils ne m'aidait en rien dans ma vie chrétienne jusqu'au moment où j'ai lu ces quelques paragraphes de la biographie d'Hudson Taylor. 3 heures plus tard, je suis retourné à l'église en sachant que quelque chose s'était vraiment produit en moi. À partir de ce moment précis, ma perspective concernant la vie chrétienne a complètement changé. Je n'avais jamais connu quelque chose d'aussi libérateur. Et tout ce que j'ai appris depuis ce temps s'est greffé sur cette merveilleuse et étonnante vérité. Je ne peux pas vivre la vie chrétienne. Je n'ai pas été capable de vivre la vie chrétienne et je n'en serai jamais capable. Et je rends grâce à Dieu car il n'a jamais été dans son intention que je vive ma vie chrétienne. Relisons les enseignements de Jésus dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, versets 1 à 4. « Je suis le vrai cep, vous êtes les sarments, et mon Père est le vigneron, c'est-à-dire Dieu le Père. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. » Nous pouvons sauter au verset 4. « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment, c'est-à-dire le croyant, ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Quand j'étais étendu sur le plancher de béton, Jésus m'a dit, « Je suis le cep. Charles, pas toi. Tu as essayé de jouer le rôle du cep toute ta vie en faisant de bonnes œuvres, en produisant du bon fruit, en étant une bonne personne, en faisant de ton mieux, en cherchant à m'impressionner, en cherchant à impressionner les autres et en voulant mériter mon approbation. Mais je suis le cep. Tu n'es que le sarment. Le sarment demeure attaché au cep. Le sarment qui a été pris quelque part pour être greffé sur le cep devient une partie intégrante et vitale du cep. La sève qui circule dans le cep se répand dans le sarment. Et la sève, après avoir circulé dans le sarment et la tige, produit du fruit. Jésus m'a montré que, pendant toutes ces années, j'essayais de produire de vivre, d'être et de travailler par mes propres forces, mais cela ne fonctionnait pas, car comme les sarments ne peuvent produire des fruits d'eux-mêmes, nous ne pouvons pas non plus devenir ce que l'Esprit veut que nous soyons par nos propres efforts. Le sarment vit attaché au cep, et la vigne vit grâce à la sève qui circule en elle et se répand dans le sarment. Tout fruit pousse grâce à elle. C'est pourquoi je ne pouvais rien faire tant que je ne demeurais pas en Jésus-Christ. Je me rendais enfin compte de ces choses. J'étais un sarment qui essayait de vivre chrétiennement en faisant de son mieux et en étant saint. Or, Dieu me faisait comprendre que ce n'était pas le but de ma relation avec lui. Jésus voulait que je demeure et me repose en lui, que je le laisse vivre en moi. Il voulait que je lui fasse confiance et que je dépende entièrement de lui pour porter du fruit. Dieu n'a jamais eu l'intention que je produise moi-même le fruit et que je fonctionne par mes propres forces. Soudain, ma perspective de la vie chrétienne a changé et j'ai saisi la vraie signification des paroles d'Hudson Taylor. Je n'avais plus besoin de faire des efforts insensés et considérables pour être un bon chrétien. Lire la Bible, résister à la tentation, mener une vie sainte et mériter l'approbation de Dieu. J'ai compris que, même en redoublant d'efforts, je ne pourrais gagner la faveur de Dieu. Je subissais le joug de mes propres illusions parce que je croyais que la vie chrétienne consistait en un tas d'actions rituelles. Cet aveuglement spirituel m'enfermait dans une spirale dans laquelle je me débattais en vain. Je ne faisais que m'enfoncer graduellement et m'épuiser, car je n'avais pas compris que je n'étais pas seul à me battre. Dieu était à mes côtés. Jésus demeurait en moi par son esprit, et c'est lui qui me donnait la force de vivre ma vie chrétienne. Jusqu'ici, je dépendais uniquement de moi, alors qu'il suffisait de développer ma relation avec Dieu pour vivre pleinement. Tout à coup, la vie chrétienne était légère à porter. Elle ne m'accablait plus, car j'avais enfin compris que c'est le cep qui remplit la vie du serment. Voilà la véritable vie. Jésus a illustré avec précision notre relation avec lui par la parabole de la vigne. Charles Stanley a souligné que nous ne sommes pas le cep, nous sommes les sarments par qui le cep produit le fruit. Méditons sur cette vérité imagée et cessons nos luttes afin de permettre à l'Esprit de Dieu de produire son fruit en nous. Car nous désirons souvent garder le contrôle de notre vie. Nous aimons faire les choses à notre façon. Pourtant, le passage de Jean 15:4 nous fait clairement savoir que notre vie ne portera pas de fruits si nous ne remettons pas tout entre les mains de Jésus-Christ. Il est écrit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Ce que vous venez d'entendre vous intéresse? Vous voulez en savoir plus? Vous voulez voir comment des gens comme vous et moi ont vu leur vie transformée par Jésus-Christ tout en dégustant un délicieux déjeuner gratuit? Les Déjeuners de l'Espoir sont offerts à la grandeur du Québec. Contactez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou visitez notre site Internet au www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.